Hétéroland. Hétéroland. Hétéroland. Hétéroland. Hétéroland. Hétéroland. C'est bien, mais c'est peut-être un peu trop. C'est un gentil garçon. Il croit bien faire. Les hommes sont bêtes. Nous allons aller chercher le sperme. C'est quand même pas sorcier, c'est mon clitoris, pas le sphinx. C'est le moment de libérer la chatte. Mais il lui faut affronter l'aide du réalité. Marié, famille, enfant, caravane, à la mer. Salut, vous écoutez Hétéroland sur Radio Dio, une émission où on parle de la chiantise de l'hétéronormativité. Hétéronormativité. Ensemble de pressions qui poussent à se conformer aux normes de l'hétérosexualité. À l'échelle individuelle, cela pousse à correspondre aux normes de son propre genre. Dans les relations, cela pousse une des personnes à adopter un rôle correspondant au rôle féminin et l'autre un rôle correspondant au rôle masculin, ce qui maintient une répartition des rôles et des tâches basée sur une binarité de genre et aussi sur une hiérarchie. Cela fonctionne dans les relations hétérosexuelles, non-hétérosexuelles, des relations amicales, familiales. À l'échelle de la société, les institutions sont discriminantes envers les personnes ne correspondant pas à l'hétéronormativité, du fait de leurs orientations sexuelles, identité de genre ou schéma relationnel. Alors, on va parler d'amour, plutôt de relations affectives, et de l'impact d'Hétéroland sur ces relations. Bon, je vous laisse deviner, c'est pas exactement une bonne influence, les normes de genre, les oppressions systémiques, tout ça. C'est une thématique qui est un peu présente tout le temps dans l'émission. Là, on va y aller peut-être un peu plus à fond. J'ai excavé plein de trucs et puis j'ai essayé de les remettre en forme. Clairement, c'est une émission pour celles qui ont envie de réfléchir aux relations affectives ou au moins d'en entendre parler pendant un bout de temps, quoi. Ça va vachement pinailler, et bien sûr ça va parler des comportements problématiques des hommes cisgenres. Parce que bien évidemment, comme toute féministe qui se respecte, je les déteste et je ne les côtoie que par pur masochisme. D'ailleurs, si je leur suce la bite, c'est uniquement dans l'espoir de les essorer à mort. Allez, c'est parti. Bisous. Alors le fond sonore, ça n'a pas grand-chose à voir, c'est juste que je crois que ça me manque un petit peu, les manifs, tout ça. Et puis voilà, ça me faisait des émotions et j'aimais bien subrepticement apercevoir mes crushs de manif. Tout le monde a des crushs de manif, non? Mais si. Bon, bref. Souvent, le social et puis la psyché s'en mêlent, se formant et puis se déforment mutuellement. Par psyché, j'entends ce qui se passe dans nos têtes et puis surtout comment ça se passe, donc les schémas que suivent nos réactions émotionnelles et comportementales, et aussi comment on se perçoit soi-même, à quelle place on se pense et on se met dans nos relations. Les normes de genre, elles sont présentes dans les messages directs qu'on reçoit de notre entourage et des éléments culturels auxquels on est exposé. Et ces normes, elles vont aller s'embusquer dans les recoins de nos têtes et puis faire un réseau de filaments comme ça pour aller toucher un petit peu à tout là-dedans. Notre histoire personnelle, elle va être teintée par ces normes et par notre rapport avec celles-ci, si on y correspondait ou pas, si on les a acceptées. Mais en même temps, on ne peut pas réduire ce qu'on est, nos fonctionnements, uniquement aux paramètres du genre. Il est présent un peu partout, mais on ne peut pas non plus tout expliquer avec. Personnellement, j'estime que ma personnalité et son fonctionnement, elles sont fortement marquées par les normes de genre, et aussi par mon rapport avec elles, même si bien souvent c'était un rapport d'opposition et de tentative de déconstruction. Donc ces normes, elles font partie de ma vie, et j'ai pas pu juste les ignorer. Dans la psychanalyse, on va dire classique, et puis aussi dans certains écrits anthropologiques, on trouve des descriptions et parfois des justifications de la différence binaire des sexes. Il y a Gayle Rubin, une anthropologue féministe, hein, qui commente ça dans son essai qui s'appelle « Le marché aux femmes ». Alors, dans un premier extrait, où elle parle de Freud et Lévi-Strauss, elle nous dit... Ouais. Ils ne voient ni les implications de ce qu'ils disent, ni la critique implicite que leur travail peut suggérer lorsqu'il est soumis à un œil féministe. Néanmoins, ils fournissent des outils conceptuels qui permettent d'élaborer des descriptions de cette part de la vie sociale, qui est le lieu d'oppression des femmes, des minorités sexuelles, et de certains aspects de la personnalité humaine chez les individus. Donc, ce qu'on comprend là, en gros, c'est que ces espèces de gros pontes de la psychanalyse et de l'anthropologie ont une bonne description de ce qui se passe dans la construction sexiste de la psyché et des systèmes sociaux. Juste, ils loupent la partie critique, quoi. Alors, un peu plus loin, c'est toujours Gayle Rubin dans le même essai qui s'appelle « Le marché aux femmes ». Donc, la théorie psychanalytique de la féminité conçoit le développement de la femme comme largement fondée sur la souffrance et l'humiliation. Et il faut faire des contorsions pour expliquer pourquoi quelqu'un devrait se réjouir d'être une femme. C'est alors que, dans les discussions classiques, la biologie fait un retour triomphant. La contorsion consiste à affirmer que trouver du plaisir dans la douleur est adapté au rôle des femmes dans la reproduction, puisque l'accouchement et la défloration font mal. Ne serait-il pas plus sensé de mettre en question la procédure entière ? Si les femmes, en prenant place dans un système sexuel, sont dépouillées d'une part de libido et mises de force dans un érotisme masochiste, pourquoi les analystes n'argumentent-ils pas en faveur de dispositions nouvelles au lieu de rationaliser les anciennes ? Dans la mesure où elle est une rationalisation de la subordination des femmes, les critiques de Freud ont été justifiées. Dans la mesure où elle est une description du processus qui subordonne les femmes, cette critique est une erreur. En tant que description de la manière dont la culture phallique domestique les femmes et description des effets que produit sur les femmes leur domestication, la théorie psychanalytique n'a pas d'égal. Voilà. Et encore sur une autre page, mais toujours Gayle Rubin dans Le marché aux femmes. Freud n'hésite pas à reconnaître que ses découvertes mettent en question la morale conventionnelle. Elle cite Freud. Nous ne pouvons cependant nous empêcher d'observer d'un œil critique. Aussi avons-nous trouvé impossible de prendre la défense de la morale sexuelle conventionnelle, d'approuver la manière dont la société cherche à résoudre en pratique le problème de la vie sexuelle. Nous pouvons dire sans façon à la société que ce qu'elle appelle sa morale coûte plus de sacrifices qu'elle n'en vaut, et que ses procédés manquent aussi bien de sincérité que de sagesse. Donc c'était donc une citation de Freud. Et Gayle Rubin continue. Néanmoins, lorsque la psychanalyse démontre tout aussi aisément que les composantes habituelles de la personnalité féminine sont le masochisme, la haine de soi et la passivité, un jugement similaire n'est pas porté. Au lieu de ça, on en voit un double modèle d'interprétation. Le masochisme est mauvais pour les hommes et essentiel pour les femmes. Un juste narcissisme est nécessaire pour les hommes, impossible pour les femmes. La passivité est tragique chez l'homme, alors que le manque de passivité est tragique chez la femme. C'est ce double critère qui permet aux cliniciens de tenter d'adapter les femmes à un rôle dont le caractère destructeur est si lucidement détaillé dans leur propre théorie. Donc, ça fait un petit bout de temps qu'il y a une reconnaissance de l'impact du genre sur la psyché et qu'il y a une reconnaissance du fait que cet impact, il est plutôt négatif pour les meufs, les personnes assignées meufs, les personnes minorisées de genre. D'après ce que j'ai compris, Freud lui-même, il parlait par moments de la formation de la psyché par l'éducation et par l'attribution d'un genre, et il n'était pas super à fond non plus de dire que tout ça était « guillemets naturel ». Mais en même temps, il avait manifestement du mal à remettre en question le bien fondé de ces différences et le fait que les meufs prenaient cher et étaient censées aimer ça, parce que ainsi elles étaient de vraies femmes. Oui bon, bah, j'essaye de résumer. Donc, on voit une difficulté à considérer la responsabilité du social sur la construction psychique, et aussi une difficulté à admettre que les constructions psychiques en fonction du genre ne sont ni naturelles ni immuables. Par extension, on voit déjà un manque d'envie de se dire que les rôles adoptés par chacun et chacune dans les relations amoureuses au cœur de l'intime sont formatés par les normes de genre en la matière et desservent les femmes du fait d'un fonctionnement qui les rend plus vulnérables. Bon, ça a un peu évolué quand même. Mais le genre, les caractéristiques réparties entre deux genres binaires, tout ça, bah ça n'a pas changé tant que ça. Il n'y a pas eu de révolution, en tout cas, en la matière. Il y a seulement eu des modifications selon l'ère du temps, selon certaines nécessités à faire tourner le capitalisme, hein, enfin des facteurs comme ça. Il n'y a qu'à voir la persistance de différences des rôles dans les relations. Alors, pour en avoir une bonne idée, on peut lire « Les sentiments du prince Charles » de Liv Strömquist, par exemple. C'est une BD où il y a plein d'articles là-dessus. Il y a la BD Istema qui parle de tout ça aussi. Bon. Donc, il y a une persistance de différence des rôles dans les relations. Et aussi, on peut remarquer la persistance des violences envers les meufs et de la part de leur partenaire masculin. Donc, on a une base de normes en matière de rôle dans la relation qui persiste pour beaucoup et qui est liée à l'hétéronormativité. Ce dont on peut parler et qu'on a vu pas mal ces derniers temps, c'est la charge mentale. Alors la charge mentale, à la base, ça désigne quelque chose de plutôt ménager, un travail logistique qui est souvent rendu invisible autour des tâches ménagères. Donc y penser, les planifier, les commencer, etc. Et quand on applique un cadre d'analyse similaire sur le domaine des relations, on a la charge émotionnelle à ce moment-là. Donc la charge émotionnelle qui est du travail émotionnel. Cette charge émotionnelle, c'est un travail d'attention et de soin vis-à-vis de l'autre et de ce qu'il ressent. Bon, dans une sphère extérieure, donc dans la sphère professionnelle et puis dans l'espace public, ça désigne tout le travail de présentation, de modulation de ses expressions faciales, de garder une attitude ouverte, agréable. Par exemple envers des clients, ses collègues, divers inconnus. C'est aussi penser à des trucs genre souhaiter les anniversaires, les pots de départ, tout ça au travail. Souvent ce travail il n'est pas reconnu parce que les femmes sont censées le faire naturellement, entre guillemets. En parallèle, si elles ne le font pas, ça sera remarqué et jugé négativement bien plus que chez leurs collègues masculins. Donc, par exemple, une femme au guichet de la SNCF qui sourit pas, elle sera jugée vraiment désagréable. Un homme, lui, il va être jugé sérieux, professionnel, préoccupé, en tout cas plus facilement. Cette pression sur les femmes, elle est renforcée par le fait qu'elles occupent la majorité des emplois de soins et d'accueil. Et il y aurait de nombreuses choses à dire sur l'essentialisation des qualités féminines au travail et sur l'exploitation capitaliste dépourvue de compensation qui en découle. Mais bon, donc ça c'était la charge émotionnelle, plutôt dans les sphères extérieures. Et dans la vie personnelle, la charge émotionnelle, c'est un travail d'écoute, d'empathie et de prise en charge des émotions de l'autre. Alors l'autre, ça peut être un partenaire, un ami ou un membre de la famille, dans le but de lui faire du bien. Et c'est aussi la prise en charge du travail lié aux relations affectives. La répartition du travail émotionnel, elle est inégalitaire et elle pèse majoritairement sur les femmes, les personnes assignées femmes et les personnes transféminines. Ce phénomène, il s'explique par une différenciation des attentes dès le plus jeune âge, et puis une vision du soin de l'autre et des émotions comme des domaines féminins. Donc c'est fréquent que les hommes aient une vision superficielle de ce en quoi consiste le travail émotionnel, et qu'à cause de leur construction masculine, ils puissent pas vraiment développer des capacités d'empathie et de communication qui y sont nécessaires. Le fait qu'il y ait toujours des femmes pour le faire pour eux et à leur place, ça peut également leur permettre de ne pas trop s'investir dans cet apprentissage. Les rapports de domination, ils influent sur la répartition du travail émotionnel, et les personnes dominées sont poussées à se mettre au service des dominants, y compris concernant leur bien-être psychique. Et dans de nombreuses situations, ce souci des émotions de l'autre est aussi là pour nous éviter de nous faire maltraiter. Bon voilà. Il faudra essayer de garder tout ça en tête pour la partie suivante. En attendant, On va faire une petite pause musicale avec Miss Platinum qui chante Drink Sister Drink. She-ra, do you really have to bring this girl to the party? She just don't know how to celebrate. Yeah, maybe we should teach her. We need to teach her how to drink like a real girl. Everybody, raise your glasses. This girl, she really takes care of her business. Always in check, no matter what the deal is. I never seen a freak out in a crisis. But she needs out of the kitchen, all she's gonna miss. Écoutez toujours Été Hollande sur le 89.5 de Radio Audio. On va repartir sur, sur des questions de logistique autour des relations et des inégalités qu'il peut y avoir là-dedans. Donc, les relations affectives et la logistique. Je pense qu'on est un petit peu d'accord sur le fait que développer une relation, ça demande du travail. Généralement, ce travail, il est plutôt bien accepté parce qu'il concerne quelque chose qu'on a envie de faire. Et on peut ne pas ressentir ça comme des efforts parce qu'on est ravi de les fournir. On peut aussi ne pas avoir conscience de ce travail parce qu'il va de soi et on ne se rend pas compte qu'on l'accomplit. Ou, un mélange de tout ça selon les moments, les situations, c'est quand même assez variable. Les relations humaines, sauf en ce qui concerne le fait que ça demande du travail. Alors, je vais commencer Si je retrouve le bon bout du texte. Ah là là, les problèmes de trouver le bon bout, tout ça. Alors, je vais commencer par une définition de ce que c'est l'engagement. Une définition qui n'engage qu'à moi, mais bon, voilà, pour moi, elle sonne assez juste en tout cas. Donc, il y a plusieurs catégories d'engagement, hein, en fait. L'engagement ponctuel, ça, c'est juste quand on dit qu'on allait faire quelque chose et on se sent engagé à le faire, hein, et éventuellement, on le fait, voilà. Mais l'engagement, quand ça concerne les relations, ça veut dire être impliqué dans la vie de l'autre et laisser la vie de l'autre avoir une influence sur la nôtre. Et aussi assurer le travail émotionnel et logistique qui va avec cet engagement. Donc en gros, l'autre compte. Et elle fait partie de l'équation de la vie, de nos choix, de nos activités. Et on fait avec, évidemment, à des degrés divers selon ce qui est calé, voilà. Ça peut avoir l'air vachement pesant dit comme ça, mais pourtant c'est quelque chose qu'on met en place souvent sans même y penser. Par exemple, quand on envoie des textos pour demander les disponibilités, quand on réfléchit à ce qu'on a envie de faire avec la personne, etc. Alors... On va parler d'abord des conditions matérielles et des nécessités logistiques que ça entraîne. Donc dans les conditions matérielles, il y a l'espace, parce que bah oui, souvent, voir les gens, ça veut dire aller vers eux physiquement, sortir de chez soi, se déplacer. Des fois, ça veut même dire aller dans une autre ville. Il y a aussi le temps qui va avec l'espace, hein. Il faut le prendre pour se voir. Alors ça demande de réserver du temps à la relation, mais aussi de penser à ce temps à l'avance, de prévoir tout ça. Et ce qui nous amène à la question logistique de... Bah, y a un travail à faire en amont pour prévoir de se voir, penser à réserver du temps. La gestion des conditions matérielles de la relation, elle s'étend en dehors des espaces-temps où l'on se voit ou des espaces-temps durant lesquels on est en contact. Et quand on met soi-même plus d'énergie dans toute cette logistique que l'autre personne, et ben ça crée un déséquilibre. Quand ce déséquilibre il est très prononcé, et ben c'est chiant. Déjà parce que ça nous prend cette énergie et qu'on peut pas la mettre dans autre chose, et puis ça provoque des impressions désagréables du type « l'autre s'en fout de me voir », tout ça. De toute façon, cette logistique, elle est nécessaire dans une relation. Sinon, bah, on se voit pas, en fait. On fait rien ensemble. Si personne le prévoit, ne donne l'impulsion, tout ça, il ne se passe rien. On peut rapprocher ça à... de maintenant, du coup, la fameuse charge mentale. C'est de la gestion, même si c'est invisible, quelqu'un le fait. Et y a des éléments qui vont être facilement équilibrés, facilement repérables, hein, du style qui propose de se voir, chez qui on va. Mais il y a des éléments qui sont un peu plus discrets, surtout quand ça concerne juste penser au truc. Genre penser à garder du temps, penser à ce qu'on veut faire, penser à avoir, je sais pas, une semaine de vacances dispo pour l'autre, à partager avec lui ou elle. Voilà. Et ensuite... on a tout ce qui est dépendance versus sécurité. Alors, quand il y a un déséquilibre, que l'une des personnes prend en charge la plus grande part de la gestion relationnelle, ça donne l'impression à cette personne qu'elle est la seule à avoir un élan vers l'autre, même si l'autre accepte avec plaisir les effets agréables de la prise en charge. Et même si l'autre a des mots de remerciement, d'appréciation, ça change rien à sa passivité. J'ai pas l'impression que les mots puissent équivaloir à du mouvement lorsqu'il s'agit d'aller vers. Et cet effort unilatéral, il peut avoir des effets divers, selon les failles, la sensibilité de la personne qui les fournit. Mais ça peut se résumer à c'est moi qui cherche la présence, l'attention, l'amour de l'autre, alors que lui ne les recherche pas spécialement. J'ai donc plus envie de cette relation que l'autre, et si j'en ai plus envie... c'est qu'elle m'apporte plus à moi qu'à l'autre. Enfin voilà, ça fait des petits schémas sympathiques. Et surtout, ça donne une impression de dépendance et qui rend assez insécure aussi dans le même mouvement. Voilà. On peut parler aussi de tout ce qui est rétention d'informations. Alors là, j'ai dit que les paroles, elles suffisent pas. Mais elles peuvent être importantes aussi, en fait. Parce que quand on est dans une discussion à propos de la relation, alors déjà, c'est pas mal, parce qu'il y a des situations où discuter des relations, c'est vu comme se prendre la tête, ou alors gâcher la spontanéité. Donc, dans ce genre de discussion, laisser l'autre se livrer sans lui donner d'infos sur ses ressentis, eh ben, ça accentue la dépendance. En sachant pas ce que l'autre ressent, ce qu'il attend de la relation, le contrat relationnel qu'il souhaite, etc. Et ben en fait, ça entrave nos mouvements et nos réflexions à propos de la relation. Et du coup, ça nous empêche d'être autonomes. Quand on peut pas agir et penser en connaissance de cause, et ben on est coincé. Pour ce qui est plus bassement matériel, la rétention d'informations, ça peut être par exemple de pas tenir au courant par rapport à un rendez-vous qui devait être fixé. Et, bah, même résultat, on se retrouve dans une posture d'attente parce qu'on ne sait pas. Et bon, quand on ne sait pas, en fait, si on ne sait pas à quoi répondre à la personne, quoi dire, eh bien, on peut dire « je ne sais pas », c'est déjà une réponse acceptable, et puis ça permet de ne pas se sentir ignoré, et éventuellement de prendre des dispositions, de choisir si on veut attendre ou pas, enfin voilà. Les informations, c'est important. C'est vachement fréquent d'entendre « Eh ben, tu devrais faire ta vie et ne pas attendre de réponse. » Voilà, ce genre de truc. Alors, souvent, ça vient de la personne qui nous met dans la situation d'attente. Eh bien, j'ai envie de répondre à cette personne de ne pas construire, elle, de son côté, de relations dans lesquelles les gens peuvent avoir des attentes envers elle. Elle peut rester seule dans une caverne de la cordillère des Andes. Voilà, et faire chier personne. Bon voilà, après, bah, j'aimerais bien être capable de m'en foutre. Par exemple, j'aimerais bien que quand on me répond pas à un texto pendant 2 semaines, un texto contenant une question, je fasse ma vie en n'y pensant juste plus jamais. Je pense qu'il y a des personnes qui, mentalement, elles sont foutues de façon à pouvoir s'en foutre, ou qui ont su développer des stratégies pour ça, mais bon, pas moi, j'ai cru comprendre que bah, j'étais pas la seule. Et ce serait bien que les besoins de chacun, chacune dans les relations soient un objet de discussion et de négociation, et pas que ce soit juste la personne la plus distante qui impose sa norme relationnelle. Voilà, elle peut aussi aller imposer sa norme au vautour. J'ai l'impression que tout ça, c'est encouragé par une survalorisation de l'indépendance. La personne qui a l'air indépendante dans la situation, elle se voit comme ayant raison. Parce que le bon sens, entre guillemets, est de son côté. L'indépendance, c'est quand même vachement valorisé. Mais en fait, c'est elle qui se comporte de façon irresponsable en refusant de tenir compte des implications de ses actes dans la vie de ses relations. Et cette indépendance valorisée socialement, c'est au passage une des caractéristiques supposées de la masculinité. C'est aussi caractéristique du libéralisme, de l'individualisme, tout ça, cette illusion qu'on n'a pas besoin des autres. Et puis, bah pour donner un exemple, dans les sketchs des humoristes de merde, là, il y a toujours déjà des blagues sur les différences entre les mecs, les meufs, tout ça. Et il y a toujours des meufs dont on se fout, parce qu'elles ont besoin d'être rassurées à propos de l'engagement relationnel des types hein, qui veulent tranquillement regarder le match et qui n'ont pas besoin d'elles. C'est assez fréquent. Et ce qui est vraiment gênant dans tout ça, c'est que la personne qui refuse d'agir pour la relation, elle se maintient dans une position dominante dans cette même relation. En refusant de faire quoi que ce soit pour l'autre, sous prétexte parfois de « Oh non, je suis comme ça », eh ben, on force l'autre à tout faire, et on lui demande une parfaite autonomie qui n'est pas en fait de l'autonomie. C'est juste... se plier à des règles qui sont pas les siennes et qui, du point de vue de la personne dominante, sont de l'autonomie. En fait, le dominant, il profite de tout ce qui est bon dans la relation et sans rien donner. Voilà. Bon. En vrai, je comprends que les personnes qui mettent en place ces dynamiques de domination pour avoir un petit peu le dessus... Bah, je vois bien qu'elles aussi, elles sont victimes de schémas qui leur font pas que du bien. Mais bon, même si elles en souffrent, ça leur apporte pas mal de confort, de sécurité affective et d'avantages. Et ça le leur apporte aux dépens des autres personnes avec lesquelles elles relationnent. Alors bon, à un moment, c'est quand même pas mal de se sortir les doigts et de se remettre en question. Merci. Mais c'est quoi le bon sens de problème avec vous, toutes les bons dieux de bonne femme ? Mais qu'est-ce qu'il faut pour vous satisfaire ? Pourquoi vous me torturez comme ça ? C'est à quelle question qu'il faut que je réponde ? C'est vrai, moi je ne sais plus quoi faire, vous êtes décourageante. Je ne sais pas pourquoi je me fatigue. Oh franchement, mais c'est ta faute. C'est toi qui es responsable de tout ça. Responsable ? Et comment que tu l'es ? Au départ, si tu ne m'avais pas quitté pour un démon, je ne serais jamais revenu ici. Je n'aurais jamais eu cette stupide puce dans le crâne. Et surtout, tu ne m'aurais jamais attiré. Parce que ce truc, avec toi, c'est pas bien. Je le sais. Je ne suis pas idiot. Ok, et ben, on va continuer sur les histoires de fausse indépendance et sur le décortiquage de dynamiques relationnelles avec un texte qui s'appelle « Tes émotions t'appartiennent ». Et le sous-titre pourrait en être « Comment le pseudo-développement personnel basé sur l'individualisme et le libéralisme dégueu vient soutenir l'irresponsabilité affective ». Mais c'est long comme sous-titre. Alors. Donc, dans ce texte, je m'interroge sur l'éventuel dévoiement de concepts de psychologie qui étaient à la base créés pour aider, soutenir, comprendre les mécanismes liés aux émotions. Et par exemple sur l'idée que, guillemets, nos émotions nous appartiennent. Et son éventuelle utilisation pénible. Alors, cette utilisation peut aller de pair avec l'idée que tu réagis fortement à cause de tes insécurités personnelles. J'ai l'impression que cette idée des émotions qui nous appartiennent est à présent assez connue par ce qu'on pourrait appeler le sens commun. Et je l'ai vu dans des ouvrages de développement personnel beaucoup. Et aussi, bon, des gens l'ont utilisé de façon plus ou moins claire comme argument pour que moi ou d'autres nous fermions bien nos gueules. Alors attention, je pense que, effectivement, nos émotions, elles nous appartiennent, dans le sens où nos réactions internes et notre interprétation des faits dépendent de qui nous sommes, de notre vécu, de notre construction, tout ça. Là, je veux plutôt parler d'une utilisation abusive de tes émotions t'appartiennent et de la confusion qui peut être faite entre une responsabilité vis-à-vis de ce que ressent une personne et une responsabilité vis-à-vis de la relation avec cette personne. Et ce qui est gênant, c'est de considérer que, comme elles nous appartiennent, les personnes avec lesquelles nous sommes en relation n'ont jamais à s'en préoccuper ou à s'adapter, se questionner par rapport à ce qu'on ressent. Donc là, je parle d'une utilisation de ce principe pour faire taire une personne depuis une posture dominante dans le cadre d'une relation. Il me semble que tout ça peut être utilisé parfois pour se dégager de toute responsabilité concernant ce que notre comportement entraîne comme dégâts éventuels. Et bon, ça sonne un peu pour moi comme « Je ne souhaite pas assumer les conséquences de mes actes et ou paroles dans le cadre de notre relation. Là là là, je vais à la pêche dans le Vercors. » Voilà. Il y a aussi une dimension, d'autre part, de délégitimation des émotions de la personne et de ses réactions. Donc, mal utilisé, ce concept, il peut virer au « mais non, tu dis ça parce que tu es sensible » et autre « tu ne devrais pas le prendre comme ça ». Et j'avoue, j'ai tendance à bloquer quand on ne reconnaît pas mes émotions. Ça provoque une sorte de bug, voilà. J'insiste, je me mets à argumenter, je m'énerve, et je pense pas être la seule à mobiliser ce mécanisme-là de que ça fait bloquer quand on nie ce que tu ressens. Enfin, je pense pas être la seule. A priori, je suis vraiment pas la seule, et ça correspond à un phénomène psychologique assez établi, qui est celui du besoin de réparation venant de la personne même qui vous a blessé, délégitimé. Et surtout si c'est une personne qu'on aime et ou qu'on admire. Dans tout ça, il y a des situations que je mettrais à part et dans lesquelles on a une agression verbale caractérisée et une remise en question de nos émotions. Ou encore une responsabilisation alors que d'autres nous agressent. L'agression, elle ne s'atteint pas au même niveau pour tout le monde ni dans toutes les relations. Mais bon, pour moi en gros, elle survient quand on se sent écrasé par l'autre, qu'on sent qu'il est dangereux de dire ce qu'on pense. Je dirais que c'est quand on a l'impression que l'autre nous considère comme son ennemi et ou se coupe de toute possibilité d'empathie avec nous. Il y a aussi fréquemment une sensation de jugement péjoratif, le tout dans le cadre d'une conversation tendue, bien sûr. Alors, dans ces situations, nos émotions, certes, elles nous appartiennent, mais elles sont provoquées par la nécessité à nous protéger. La personne en face peut alors nier le caractère agressif de ses propos, pousser à nous remettre en question. Et quand on est bon public, ça marche plutôt bien. C'est dangereux parce que ça pousse à l'empathie vis-à-vis d'une personne qui n'en est clairement pas capable vis-à-vis de nous, du moins pas à ce moment-là. Et la sonnette d'alarme produite par le mental, elle est là pour dire que, en fait, on se fait grignoter. Ça peut être complexe de le voir sur le moment, si on réagit fortement parce qu'on est menacé psychiquement ou parce qu'on interprète la situation comme une agression. Les humains, leur identité, elle est faite de très multiples choses. Et du coup, ça semble un petit peu raide, en fait, de dire « Non, cette partie-là, tu la gardes, tu m'ennuies pas avec ça. » Pour moi, ce serait adopter une vision consommatrice de la relation, dans le sens où ce serait prendre uniquement ce qui nous intéresse, en profiter, et ne pas reconnaître qu'on a affaire à un être humain complet avec des ressentis, tout ça. C'est un peu laisser s'installer dans les relations un fonctionnement capitaliste, dans le sens où on consomme ce qu'on veut, on accumule le capital, énergie, ego, affection que ça nous procure, on essaye de garder le pouvoir, le contrôle sur le moyen de production de tout ça, qui est la relation, en maintenant sa domination. Et je me rends compte que réagir comme ça, ça m'est jamais venu à l'esprit. Alors peut-être parce que je suis une meuf, que j'ai grandi en tant que meuf, et que du coup, on m'a bien expliqué que mon rôle, ce serait de bien prendre soin des autres. De la même façon, je me rebelle pas des masses quand les autres m'envoient chier parce que je leur demande un peu de boulot émotionnel. Comme si c'était normal que mes demandes, elles ne pouvaient être qu'excessives. Une analyse politique qui montrerait que nous ne partons pas tous toutes avec les mêmes chances, le même pouvoir d'agir sur nos existences, ça permettrait peut-être d'éviter que des outils comme ce fameux « nos émotions nous appartiennent », que ces outils puissent être détournés pour écraser encore plus les personnes qui sont déjà passablement au courant du fait que leurs émotions leur appartiennent. En fait, toute cette merde, elle sert à fond les normes de genre, la domination des meufs. Cet outil-là, de rappeler aux autres qu'on n'est pas responsable de leurs ressentis, il est mis à la disposition de tous et toutes. Mais vu la gueule des normes en matière de genre et de soins aux autres, c'est hautement probable que les tous et toutes n'en fassent pas le même usage. Je veux dire, ce truc, il est fait a priori pour recadrer une personne qui nous rendrait responsable de ce qu'elle ressent, ou pour essayer de l'aider à réfléchir sur ses déclencheurs d'émotions négatives. Ok. Alors moi, du coup, je parie un peu sur le fait que plein de meufs pensent même pas à l'utiliser parce qu'elles sont trop occupées à aider l'autre, au détriment de leur propre bien-être, parce qu'après tout, c'est leur rôle, ça fait leur valeur en tant que meuf. Et puis d'un autre côté, je parie que plein de types 6 se mettent à l'utiliser à tort et à travers parce que ça leur fait tout bizarre qu'on leur demande leur part de travail émotionnel et qu'ils n'ont pas bien l'habitude qu'on les dérange dans la contemplation de leur nombril. Alors bon, démocratiser cet outil de réflexion sur la psychologie sans la sortir systématiquement d'une analyse sous l'angle du genre, voilà. Ce concept en lui-même, il est assez utile et très chouette. Et entre autres parce qu'il aide à expliquer aux types que nous ne sommes pas responsables de leur sentiment de culpabilité, par exemple. Et aussi parce qu'il a permis de mieux, dans mon cas en tout cas, de mieux repenser mes réactions, mes besoins dans le cadre des relations. Ça m'a aidé à comprendre que ce que je ressentais, c'était une réaction personnelle à ce que l'autre me donne et pas une évidence objective. Et que personne pouvait deviner ce qui se passe dans ma tête, ce dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité. Et que tout ça, là, c'est de ma responsabilité, c'est vrai. Donc c'est un concept qui est très important pour l'autonomie émotionnelle. Mais c'est vraiment casse-gueule de faire valoir et d'appliquer dans des contextes où une personne prend l'ascendant sur l'autre et où l'agresse carrément. Et c'est dur à admettre que mon histoire personnelle et surtout le fait que j'ai été élevée comme une meuf fasse que mon premier réflexe ce soit de me mettre en question, de me remettre en question et de prioriser les ressentis de l'autre, même dans ces situations-là. J'ai un peu envie d'ouvrir avec des petits extraits d'un bouquin sur cette espèce d'illusion d'indépendance, avec des extraits d'un petit bouquin de psychanalyse, qui est un classique, hein, ça s'appelle « L'amour et la haine », c'est écrit par Mélanie Klein et Joanne Rivière, dans les années 60, il me semble, et c'est de la vulgarisation. Autour de la psychanalyse, hein, et du fonctionnement psychique, tout ça. Voilà. Et du coup, pour ouvrir là-dessus, j'ai envie de vous lire des petits bouts. Alors d'abord, il y a un petit bout qui est page... Ouais, page 20-21... Allez. Un autre point que les économistes comprennent peut-être mieux que d'autres, c'est le degré de dépendance de l'organisme humain par rapport à son milieu. Dans un système politique et économique stable, il y a une grande liberté apparente et nombreuses sont les occasions de satisfaire nos besoins. Si bien qu'en règle générale, nous ne nous sentons pas dépendants de l'organisation dans laquelle nous vivons, à moins que ne se produise par exemple un tremblement de terre ou une grève. Il se peut alors que nous réalisions avec répugnance et souvent avec un vif ressentiment que nous dépendons des autres et des forces de la nature dans une très grande mesure. La dépendance est ressentie comme dangereuse parce qu'elle implique la possibilité d'une privation. Un désir irréalisable de se suffire à soi-même peut se faire jour. Dans certaines conditions de vie, on peut se permettre comme un plaisir en soi l'illusion d'une liberté indépendante. À cela, il y a néanmoins une grande exception, une situation dans la vie où, quelles que soient les circonstances, nous nous sentons tous nécessairement dépendants. Je veux parler des relations amoureuses. C'est là que le désir nous lie aux autres. Il est clair que notre dépendance à leur égard est une condition de la vie dans tous ses aspects, qu'il s'agisse de l'instinct de conservation, de la sexualité ou de la recherche du plaisir. Cela signifie que dans la vie, le partage, l'attente, le renoncement à quelque chose pour les autres sont nécessaires à un certain degré. Bien que ceci cependant soit positif du point de vue de la sécurité collective, il se peut qu'en même temps, la sécurité individuelle soit menacée. C'est la raison pour laquelle ces relations de dépendance ont tendance à éveiller une résistance et des sentiments agressifs. Le bébé ne peut pas établir de distinction entre le moi et le non-moi. Les sensations qu'il éprouve constituent son monde. Pour lui, le monde. Aussi, quand il a froid, faim, ou lorsqu'il est seul, C'est comme s'il n'y avait dans le monde ni lait, ni bien-être, ni plaisir. Toutes ces choses appréciables de la vie ont disparu. Et quand le désir ou la colère le torture, s'accompagnant de déjections irrépressibles qui suffoquent, font crier, qui sont douloureuses, qui brûlent, tout son monde est un monde de souffrance également brûlé, déchiré, supplicié. Cet état que nous avons tous traversé en tant que bébés a sur nos vies des conséquences psychologiques énormes. C'est notre première expérience d'une chose qui ressemble à la mort. C'est entrevoir la possibilité d'une non-existence. C'est ressentir une perte accablante, à la fois pour soi et pour les autres. Cette expérience permet une prise de conscience de l'amour, sous forme du désir, et une reconnaissance de la dépendance, sous la forme du besoin. En même temps qu'elle s'accompagne, inextricablement liée à elle, de sentiments et de sensations irrésistibles de douleur et de menaces de destruction, à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, c'était des extraits de « L'amour et la haine » de Mélanie Klein et Joanne Rivière. Voilà, youpi l'amour. Donc quand t'es une meuf et que tu relationnes avec des mecs cis, c'est la merde, souvent, fréquemment et quasi systématiquement. Donc déjà que les relations, c'est pas forcément simple, hein, les rapports de pouvoir, le sexisme ambiant, ça n'arrange rien. Et les normes de masculinité qui poussent les hommes à dominer entraînent beaucoup de comportements passablement dégueux, y compris dans leurs relations affectives. Relations affectives, ça peut être des relations amoureuses, de l'amitié, un peu toutes les relations qui n'ont pas d'étiquette, mais où on s'aime, ou du moins on essaie. Côtoyer des hommes, les aimer, ça peut faire mal à cause de toutes ces normes de masculinité, et aussi à cause des normes de féminité. Bref. J'ai essayé d'établir des critères sur lesquels on peut s'appuyer pour reconnaître une attitude correcte de leur part, vis-à-vis en tout cas des oppressions. Donc c'est pas spécialement une attitude correcte dans toute la relation. C'est une attitude correcte, au moins sur le plan de la domination et des oppressions. Je précise qu'il n'y a pas de bons hommes et que ça efface pas ni leurs privilèges, ni les rapports de pouvoir qui sont présents. Donc, le premier critère, ça va être la solidarité. On va voir qu'ils sont solidaires, y compris en public, avec les personnes d'un genre différent du leur. Aussi bien face à d'autres hommes cis aussi. Donc par exemple, ils vont le dire tout haut si jamais un de leurs potes fait ou dit un truc sexiste. Voilà. Le deuxième critère, ça va être la lucidité. Ils sont conscients que les oppressions systémiques font d'eux des privilégiés, qu'il y a une hiérarchie qui lèse les personnes d'un autre genre que le leur. Et ils en tiennent compte dans leur comportement, sans se sentir limités dans leur liberté et sans s'en plaindre. Par exemple, ils vont faire attention à pas marcher juste à côté d'une meuf qui est seule dans la rue la nuit. Et ils vont pas s'en sentir restreints dans leur liberté. Le troisième critère, ça va être la discrétion. Ils se servent pas de leur bon comportement pour attirer l'attention sur eux en mode « Oh là là, je fais tellement gaffe, regarde comme je suis super !» ou alors « Ouin ouin, c'est dur en tant qu'homme !» Le quatrième critère, c'est l'empathie. Ils éprouvent une empathie sincère pour les personnes d'un genre qui est différent du leur. Par exemple, penser à une agression sexuelle, ça les heurte. Et cette empathie, elle est pas à confondre avec une peur d'être assimilée à l'agresseur parce que c'est un homme. Donc par exemple, ce récit d'agression sexuelle me heurte parce que ouin ouin ouin, not all men. Voilà. Le critère numéro 5, c'est la responsabilité affective. Donc ils sont responsables en relation affective, en faisant toutes les choses citées plus haut, mais en plus, et puis là ça se corse un peu, on a un critère 5.1. Donc, ils sont responsables en étant autonomes dans la gestion des limites, que ça soit dans les interactions sexuelles ou émotionnelles. Donc par exemple, ils n'attendent pas que tu dises non, ou que tu les repousses, s'ils ont un doute sur ton envie. ils arrêtent et puis éventuellement ils demandent ce qui se passe. Mais bon, pour ça, il faut qu'ils s'intéressent à ce que tu ressens. Voilà. Pour les limites émotionnelles, eh ben, ils font gaffe à pas te dire des trucs hyper violents. Ils s'adaptent à toi sans que t'aies besoin de leur agiter des panneaux lumineux devant le nez. Ils font ce que nous, on fait tout le temps, quoi. Le critère 5.2, ils sont responsables affectivement en se montrant indulgents et compréhensifs face aux effets du formatage de genre chez les meufs. Comme elles-mêmes, elles peuvent se montrer patientes face aux trucs de construction masculine. Par exemple, je pense au fait que les personnes ayant une construction de genre féminine, elles ont tendance à prendre soin de l'autre aux dépens de leurs propres besoins, ce qui peut être interprété par l'autre comme de la dépendance et provoquer peur, incompréhension, culpabilité, fuite en hurlant dans la nuit. Critère 5.3, ils sont donc toujours responsables affectivement en faisant confiance à l'autre pour poser ses limites. Même si ça demande du temps, sans l'infantiliser, sans décider à sa place de ce qu'il ou elle ressent, sans se réserver le pouvoir sur les conditions d'existence matérielle de la relation. Et le critère numéro 6, c'est le partage. Ils font pas reposer leur charge émotionnelle uniquement sur des meufs ou des personnes assignées meufs. Ça, ce qui veut dire qu'ils parlent par exemple de leurs soucis sentimentaux avec des potes mecs. Et le critère numéro 5, il reprend un peu tous les critères précédents, c'est qu'en gros, ils sont attentifs à pas renforcer l'oppression, et ils sont actifs dans son démantèlement. Bon, malheureusement, on a grandi dans Hétéroland, les idées sur le couple, les rapports affectifs qu'on a ingérés malgré nous, elles sont susceptibles de ressortir, surtout quand on est déstabilisé par des émotions, des sentiments forts. Alors bon, des fois, on régurgite un peu de trucs de merde d'Hétéroland quand on aime les gens. Les comportements que je décris, je les trouve nécessaires d'autant plus en raison de la position sociale privilégiée des hommes cis. Mais c'est pas forcément stable, hein. Des fois, les gens, ils se loupent. Hein. En fait, on demande à personne d'être parfait. On demande juste de faire gaffe et d'y consacrer de l'énergie, pour de vrai. Ça peut être dur à faire. On peut choisir de soutenir l'effort selon nos forces et nos ressources, mais l'amour, ça donne pas une énergie infinie, en fait. Aussi, pour les types, c'est un boulot quotidien, ça va pas être « j'ai coché toutes les cases et je suis un mec sympa ». Il faut réfléchir, il faut garder ça tout le temps à l'esprit et l'adapter à chaque situation. De mon expérience, de celle de pas mal de meufs aussi, j'ai l'impression, et ben c'est pas forcément les types hyper renseignés sur le sujet ou ceux qui sont hyper conscients politiquement qui remplissent le mieux les critères. Alors c'est sûr, ça peut aider, mais il y a aussi des expériences personnelles, des vécus, des modes de construction psychique qui peuvent éloigner efficacement des normes reloues de masculinité. Et d'un autre côté, la peur de ressentir de la culpabilité, le déni de son identité d'oppresseur, ça peut conduire à des attitudes défensives, agressive, de contrôle et de domination, plus ou moins visible. Et c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que certains types renseignés sur le sujet ont des comportements et des propos parfois très problématiques, et peut-être qu'ils vont nous écraser avec leur légitimité de bonhomme tellement déconstruit. Je doute que ce soit souvent fait sciemment, hein, je pense pas. Mais c'est un peu toujours les mêmes qui ramassent, alors que ce soit fait exprès ou pas, franchement, au bout d'un moment, on s'en fout un petit peu. Certains hommes ayant eu un vécu difficile et se sentant exclus des normes de virilité peuvent parfois réagir de la même façon et mettre en avant ce vécu pour essayer de nier leur appartenance à une catégorie sociale dominante. Ce qui est assez fatigant. La sensibilité, elle est pas gage d'empathie. Pas tout le temps. On arrive à la conclusion. Vous pourrez trouver l'émission en podcast sur le site de Radio Duo et les textes que j'ai utilisés pour la plupart ils sont sur mon blog. C'est fille à matelot tout attaché @wordpress.com. Et bon, bah c'est pas brillant toutes ces analyses sur les relations. Et encore, on a vraiment pas fait le tour. Hein. Voilà, c'est pas possible. Ça fait trop de taf de parler de tout ce qui cloche. Hein. Surtout que ça constitue la norme. Ça fait beaucoup de trucs à dire, de situations, de personnes concernées. Et ce que je peux dire, c'est que personnellement, mieux comprendre, ça me permet de moins prendre personnellement les trucs blessants. En même temps, ça me motive pour tout niquer. Ça me donne des outils pour le faire. Et je suis plus heureuse et mieux armée qu'avant. Et bon, en même temps, un peu dépitée de tout le chemin à faire et de constater que, bien sûr, ce sont les meufs et les personnes de genre minorisé qui font beaucoup plus de taf que les mecs cis. Bon. Des fois, je me dis que je serais plus tranquille si je trouvais que tout va pour le mieux à Hétéroland. Je serais plus tranquille dans une autre vie, faut croire. En tout cas, je parle pas de tout le reste. Je parle pas de tout ce qui est beau, tout ce qui fait se sentir proche. Tout ce qui déjoue ces normes relationnelles toutes pourries et qui existent, en fait, entre les gens. Ce dont je parle, ça sert à aller vers plus d'amour. Alors, bon, amour au sens large du terme, hein, pas forcément l'amour romantique, mais vers, en tout cas, une forme d'amour qui serait pas tronquée et abîmée par toute cette merde de rôle de genre. Enfin, voilà, quelle grandiloquence. J'ai pas envie de finir sur ça. Genre, pas trop. Alors, figurez-vous que, comme j'ai que ça à foutre, je me suis mis sur un groupe Facebook de contrepatrie. Et bon, du coup, bon, il y a toutes les merdes sexistes habituelles sous l'excuse de la gauloiserie, mais y en, quand même, il y a des trucs vraiment à sauver dans la contrepatrie, je dirais, classique. Donc plutôt, je vais finir l'émission en vous disant, alors tout d'abord, cette poire sans la terrine. Cette poire sans la terrine. Et ensuite, le maître des bannis doit bien cuver pour être efficace. Je répète, le maître des bannis doit bien cuver pour être efficace. Allez, salut. Behind against the hill.